إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, comme cela a été annoncé, nous nous réunissons ce soir pour parler des mérites du mois de Sha'ban. Comme vous le savez, nous approchons de la venue du mois béni de Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre le mois de Ramadan et de nous aider à nous consacrer à son adoration comme il se doit durant ce mois. Et le mois de Ramadan est précédé par le mois de Sha'ban, qui est un mois d'une grande importance. En effet, notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de jeûner la majorité des jours de ce mois. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, rapportent la parole suivante de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet en dehors du mois de Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner autant que durant le mois de Sha'ban. Et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim rahimahullah, Aisha radiyallahu ta'ala anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban à l'exception de quelques jours. Donc ceci nous prouve l'importance de ce mois. Et cela nous prouve également qu'il est légiféré pour nous de prendre exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en multipliant le jeûne durant ce mois. Et il n'y a pas de doute qu'à l'écoute de ces hadiths, chacun d'entre nous s'interroge et se demande pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait autant d'importance au jeûne durant ce mois. Et la réponse, elle se trouve dans un hadith rapporté par le noble compagnon Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et lui a dit: ô messager d'Allah, je t'ai vu jeûner durant Sha'ban comme tu ne jeûnes durant aucun autre mois en dehors du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: c'est un mois au sujet duquel les gens sont indifférents. Il est entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Les œuvres des gens sont élevées durant celui-ci. Et j'aime que mes œuvres ne soient élevées que lorsque je jeûne. Ce hadith, il nous prouve que durant le mois de Sha'ban, nos œuvres sont élevées à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait le jeûne durant ce mois afin que ses œuvres soient élevées alors qu'il est en état de jeûne. Et il nous dit dans ce hadith que c'est un mois au sujet duquel les gens sont indifférents, car il est entre Rajab et Ramadan. Et les gens de science ont dit que ceci nous indique qu'étant donné qu'il se trouve entre ces deux mois immenses, le mois de Rajab, qui est un des quatre mois sacrés de l'année, et le mois de Ramadan, qui est le mois du jeûne et le mois du Coran. Les gens ont donc fait prévaloir ces deux mois et n'ont pas donné au mois de Sha'ban l'importance qu'il mérite. Et on voit à travers cela qu'il est possible qu'une chose méritoire nous rende parfois indifférents quant à une autre œuvre qui elle aussi est très méritoire et nous en fait perdre par conséquence le mérite. Et c'est pour cela qu'il est important pour chacun d'entre nous de connaître les œuvres les plus méritoires en fonction de nos situations, en fonction des périodes de l'année, en fonction de nos priorités qui diffèrent selon les personnes, selon les moments et selon les endroits. Et tu te dois de faire toujours prévaloir l'œuvre qui est la plus méritoire en fonction de cela. Et le mérite d'une œuvre ne doit pas te rendre indifférent quant au mérite qu'il y a dans d'autres œuvres qui sont elles aussi importantes. Donc, le mérite du jeûne du mois de Ramadan, qui est une obligation, il ne doit pas te rendre indifférent quant au mérite qu'il y a dans le jeûne surérogatoire du mois de Sha'ban. Et il y a dans ce hadith la preuve qu'il est recommandé de multiplier les œuvres de bien et les adorations durant les périodes où les gens sont insouciants. Et ceci fait partie des œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela comporte de nombreux bénéfices. Premièrement, durant ces périodes, durant les périodes où les gens sont insouciants, les périodes au sujet desquelles les gens sont indifférents, où ils sont occupés par diverses préoccupations mondaines ou autres, tes œuvres, elles sont plus à même d'être dissimulées. Et il n'y a pas de doute que la base est qu'il est plus méritoire pour nous de faire nos œuvres surérogatoires secrètement et de les dissimuler sans en informer les gens. Et ce, afin que notre intention soit pure, et que notre intention soit sincère, et que notre œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'en informes pas les gens pour rechercher leurs compliments. Tu n'en informes pas les gens pour qu'ils disent de toi que tu fais ceci et cela, et ainsi de suite. Mais tu accomplis ces œuvres surérogatoires secrètement, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus en ce qui concerne le jeûne. Car le jeûne, à la base, c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu pries, il est possible qu'une personne passe et te voie prier. Lorsque tu fais une aumône, le bénéficiaire en a connaissance et il est possible qu'une autre personne te voie donner cette aumône. Mais lorsque tu jeûnes, ce jeûne, c'est un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut en avoir connaissance sans que tu ne l'en informes. Donc tu n'as pas besoin d'en informer les gens ni d'en parler. Mais tu fais en sorte de préserver ce secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, afin que cette œuvre lui soit sincèrement vouée. On rapporte d'un de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il a jeûné durant 40 ans sans que personne ne le sache. Allahu Akbar. Durant 40 ans, il jeûnait, c'est-à-dire qu'il multipliait le jeûne surérogatoire, et personne ne le savait. Il sortait de chez lui le matin en prenant avec lui deux pains, puis il se rendait au marché et les donnait en aumône et il jeûnait. Donc, les gens de sa famille pensaient qu'il avait mangé ces deux pains, et les gens du marché, ils pensaient qu'il avait déjà mangé chez lui. Il faisait donc ce jeûne sans que personne ne le sache. Et nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils faisaient de grands efforts en cela. Et c'est pour cette raison qu'ils aimaient se montrer sous une belle apparence lorsqu'ils jeûnaient. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient pas apparaître sur eux les traits de la fatigue et de la faim causés par le jeûne, afin de dissimuler leurs œuvres. Pas comme certains d'entre nous aujourd'hui. Il va jeûner par exemple un lundi ou un jeudi. Il va croiser un de ses amis et il va lui dire « Je suis fatigué aujourd'hui parce que je jeûne. » Quel est l'intérêt de cette parole? Qu'as-tu gagné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en informant ton ami que tu jeûnes et que tu es fatigué en raison de ton jeûne, ou d'autres paroles semblables? Tu dois donc faire attention à préserver tes œuvres et à conserver ce secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on ne parle pas des personnes qui doivent servir de modèle et d'exemple. Si par exemple tu sais qu'en informant les gens de ta famille que tu jeûnes, cela va les encourager à jeûner aussi avec toi, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à les informer. Au contraire, si tu es sincère, que ton intention et de les motiver, de les encourager à jeûner aussi, alors ceci est également une œuvre de bien pour laquelle tu es récompensé, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si ce n'est pas le cas, comme le fait d'en informer une personne au cours de la journée, alors dans ce cas-là, il faut t'écarter de ce genre de paroles qui ne comportent aucun intérêt. Le deuxième bénéfice qu'il y a dans le fait de multiplier les œuvres de bien durant les périodes où les gens sont insouciants, c'est qu'en général, ces œuvres sont plus difficiles pour les âmes. Et il n'y a pas de doute que les œuvres difficiles sont plus méritoires. Durant le mois de Ramadan, de manière générale, les musulmans jeûnent, prient la nuit, lisent le Coran, multiplient les aumônes et multiplient les œuvres de bien. Il est donc plus facile pour l'âme de jeûner et de prier avec les musulmans. Mais lorsque tu es seul à jeûner, que les gens sont pris par leurs occupations, sont pris par leur travail, leur divertissement, et que toi tu te consacres à l'adoration, cela est plus difficile pour ton âme, car ton âme va être tentée à faire comme les gens, à se divertir comme les gens, à ne pas jeûner comme les gens, et ainsi de suite. Et tu n'as pas autour de toi de modèle ou d'exemple à suivre dans le bien. Donc, tu luttes contre ton âme pour la contraindre à l'adoration, et c'est pour cela que cette œuvre est méritoire. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, a dit: Sache que les moments au sujet desquels les gens sont indifférents ont un rang éminent, car les gens sont occupés par leurs habitudes et leurs désirs. Par conséquent, si celui qui recherche le mérite persévère durant ces moments, Ceci prouve qu'il désire le bien. C'est pour cela qu'il y a un mérite dans la prière du Fajr en commun, car beaucoup de gens sont indifférents. De même qu'entre le Maghreb et l'Isha, il y a un mérite, ainsi que dans la prière au milieu de la nuit en sa fin. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Donc concernant le mois de Sha'ban, étant donné que les gens sont indifférents, cela est plus difficile pour nous de jeûner. Et c'est pour cela que ce jeûne est méritoire. Et les gens de science ont dit que ce jeûne est comme un entraînement pour le jeûne du mois de Ramadan, afin que tu n'entres pas dans le mois de Ramadan avec difficulté. En effet, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas jeûné depuis plusieurs mois. Et les premiers jours de Ramadan, ils sont parfois difficiles pour eux, car il faut le temps de se réhabituer au jeûne, de réhabituer son corps à ce rythme. Donc, si tu reprends cette habitude durant le mois de Sha'ban, cela sera plus facile pour toi, incha'Allah ta'ala, de jeûner durant le mois de Ramadan. Et tu pourras commencer le mois avec force et vigueur, bi'inillah ta'ala. Donc le mois de Sha'ban, c'est comme une introduction au mois de Ramadan. C'est un mois durant lequel tu vas te réhabituer au jeûne, mais tu vas te réhabituer aussi à quoi? À la lecture du Coran. En effet, le mois de Sha'ban, il était appelé par certains de nos pieux prédécesseurs comme étant le mois des lecteurs. Le mois des lecteurs du Coran. Et certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, lorsque le mois de Sha'ban entrait, ils fermaient leur commerce et se consacraient à la lecture du Coran. Et ceci, c'est une chose que l'on peut encore observer, notamment chez nos frères qui sont imams et qui sont amenés à diriger la prière de nuit pour les musulmans. Lorsque l'on était au Yémen, on voyait dans la mosquée, durant le mois de Sha'ban, tous nos frères parmi les étudiants qui dirigeaient la prière de nuit consacraient leur temps à la révision. Et ils lisaient durant ce mois le Coran beaucoup plus qu'ils ne le lisaient en d'autres mois. Et c'est pour cela que ce mois est appelé le mois des lecteurs. Voyez donc à travers tout cela l'importance que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, a donné à ce mois. Et vous voyez en comparaison comment aujourd'hui nous sommes négligents au sujet de ce mois, Wallahu al-musta'an. La majorité d'entre nous est pris par la paresse et les divertissements et s'est détourné du jeûne surérogatoire. Pourtant ce jeûne, il comporte de nombreux mérites et des grandes récompenses. Le jeûne surérogatoire, il fait partie des œuvres qui te permettent de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te mène à des degrés éminents. Il fait partie des œuvres qui te permettent d'éduquer ton âme, de rectifier ton comportement, d'attendrir ton cœur, mais aussi de préserver tes parties intimes et ta langue de l'illicite. Tous ces mérites ont été mentionnés dans de nombreux hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et afin de se motiver à multiplier le jeûne durant ce mois, il est nécessaire pour nous de nous rappeler de ces hadiths. C'est donc pour cela que je vais ici en mentionner quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du jeûne, « Toutes les œuvres de l'enfant d'Adam sont décuplées. La bonne action en vaut 10 semblables à elle jusqu'à 700. » C'est-à-dire que lorsque tu fais une bonne action, celle-ci elle est multipliée par 10 en termes de récompense jusqu'à 700. C'est-à-dire qu'elle peut être multipliée jusqu'à 700. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Sauf le jeûne. » Il m'appartient et c'est moi qui en donne la rétribution. C'est-à-dire que la récompense du jeûne est décuplée sans limite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la rétribue comme il veut. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, le serviteur délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi. C'est-à-dire que le fait que tu délaisses ta nourriture et tes désirs par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des choses qui à la base sont permises pour toi. Alors, ceci mérite une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté d'Abu Umama, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. » Vous voyez les questions des compagnons, radiyallahu ta'ala anhu. Ils n'interrogeaient pas sur des choses futiles, ou des choses sans importance, ou des choses qui ne les concernent pas. Mais ils interrogeaient au sujet de choses qui leur profiteraient au quotidien et qui leur permettraient d'atteindre des hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il lui demande, ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, Je te recommande le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Allahu Akbar, regardez la récompense du jeûne. Je te recommande le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Et regardez comment ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, s'est accroché à la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté qu'après cela, après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ait adressé cette recommandation, Abu Umamah, ainsi que sa femme et son servant, étaient sans cesse en état de jeûne. Et lorsque les gens voyaient de la fumée sortir de leur maison durant la journée, savaient qu'auparavant ils préparaient le repas à partir d'un feu. Donc lorsqu'ils voyaient de la fumée sortir de leur maison, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils doivent certainement recevoir un invité. Car ils jeûnaient constamment. Il a posé cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé une œuvre par laquelle il entrerait au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a recommandé le jeûne, alors il s'est accroché, cramponné à cette recommandation. Et il n'a pas restreint ce bien à sa propre personne, mais il l'enjoint également à son épouse et à son servant, qui eux aussi jeûnaient constamment. Et vous voyez que nous avons, en nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, d'excellents modèles à suivre. Dans un autre hadith, rapporté par Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui dont la dernière œuvre est la parole La ilaha illallah, qu'il prononce recherchant le visage d'Allah, il entrera au paradis. Et celui dont la dernière œuvre est une journée de jeûne, par laquelle il recherche le visage d'Allah, il entrera au paradis. Et celui dont la dernière œuvre est une aumône qu'il a donnée, recherchant le visage d'Allah, Allah le fera entrer au paradis. On voit donc dans ce hadith le mérite du jeûne, mais aussi de manière plus générale, le mérite de faire en sorte d'être constamment dans le bien. Car, comme tu le sais, nul parmi nous ne connaît le moment où il va mourir. Donc celui qui souhaite avoir une bonne fin, il se doit de faire des efforts pour être constamment dans le bien, s'appliquer à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre à ses ordres, à délaisser ses interdits, et à multiplier les œuvres qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exemple du jeûne et de l'aumône. Et celui qui agit ainsi, alors il peut espérer que sa fin soit bonne, bi'idhnillahi ta'ala. Contrairement à celui qui se laisse aller dans les péchés, les désobéissances, sans aucune pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qui persiste dans le mal sans se repentir, alors celui-ci, il est à craindre pour lui une mauvaise fin et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le jeûne est une protection et un refuge contre le feu. C'est-à-dire que lorsque tu jeûnes, ce jeûne, il te protège du feu de l'enfer. Premièrement, car c'est une adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi car ce jeûne, si tu le pratiques comme il se doit, il te permettra de t'éloigner de nombre de péchés. Car le jeûneur, il va faire plus d'efforts pour préserver sa langue, son ouïe, sa vue, et ainsi de suite, de nombre d'interdits. Étant donné qu'il pratique cette noble adoration, du début de la journée jusqu'à sa fin, il est sans cesse dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci le protège donc de tomber dans nombre de péchés. Et il y a en cela un grand mérite qui te permet d'être préservé du feu de l'enfer, bi'idhnillahi ta'ala. D'après Abu Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour sur le sentier d'Allah sans qu'Allah n'éloigne par ce jour son visage de l'enfer d'une distance de 70 automnes. C'est-à-dire qu'un jour de jeûne que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne ton visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 automnes, de 70 années. Tu vois donc que ceci est un mérite à ne pas négliger. Le jeûne fait donc partie des œuvres les plus importantes permettant d'être préservé du châtiment de l'enfer. Et on compte également parmi les mérites du jeûne qu'il fait partie des causes d'expiation des péchés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Les péchés de l'homme à l'égard de sa famille, de ses biens et de son voisin sont expiés par la prière, le jeûne et l'aumône. Également, parmi les mérites du jeûne, il y a le fait que c'est une cause pour t'éloigner et te préserver de l'illicite. Comme il est venu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Ô vous les jeunes, quiconque parmi vous en ait les capacités alors qu'il se marie, Il sera ainsi plus à même de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les capacités, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Comme on a dit, le fait qu'il jeûne, cela va l'aider à baisser le regard, cela va l'aider à s'éloigner de l'interdit. Également, cela va diminuer le désir qu'il peut ressentir. Cela va donc l'aider à se préserver de l'illicite. On compte également parmi les mérites du jeûne surérogatoire qu'au jour de la résurrection, il viendra combler le manque et la déficience que tu as pu avoir dans ton jeûne obligatoire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: la première chose sur laquelle le serviteur devra rendre des comptes au jour de la résurrection parmi ses œuvres est la prière. Si elle est correcte, il aura alors réussi et obtenu le succès. Et si elle est corrompue, il aura alors certes échoué et perdu. Et si sa prière obligatoire est déficiente, le Seigneur dira: regardez si mon serviteur a accompli des prières surérogatoires. On complétera alors avec cela la déficience ou le manque de sa prière obligatoire. Ensuite, il dit: et il sera fait de même pour toutes ses œuvres. C'est-à-dire qu'il sera fait de même en ce qui concerne la zakat obligatoire. Les aumônes surérogatoires viendront combler les manques. Et également en ce qui concerne le jeûne. Le fait de multiplier le jeûne surérogatoire, cela permettra de combler tes manquements que tu as pu avoir durant ton jeûne obligatoire. Également parmi les mérites immenses du jeûne surérogatoire. Et c'est un mérite à ne pas négliger. Beaucoup de personnes demandent: comment faire pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? J'aimerais savoir le chemin à emprunter pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. Et la réponse, elle est venue dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est-à-dire que c'est un hadith qudsi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que par ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire par les œuvres obligatoires. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de toi, c'est le fait que tu accomplisses tes obligations. Les prières obligatoires, la zakat obligatoire, le jeûne obligatoire, et ainsi de suite parmi tes obligations. Ensuite, il dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Tu multiplies les œuvres surérogatoires après t'être acquitté de tes obligations? Et tu obtiens ainsi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est la conséquence de cet amour? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du hadith selon le sens: et lorsque je l'aime, c'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande une chose, je lui accorderai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui donnerai refuge. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un de ses serviteurs, il va l'aider à préserver son ouïe, il va l'aider à préserver sa vue, il va l'aider à ne faire avec ses mains que du bien, il va l'aider à ne se diriger avec ses pieds que vers des endroits de bien, et ainsi de suite. Et lorsqu'il va demander une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui accorder. Il va répondre à ses invocations. Donc, tu vois à travers cela le mérite qu'il y a, de manière générale, dans les œuvres surérogatoires, après bien sûr t'être acquitté de tes obligations, et plus particulièrement en ce qui nous concerne ici, le mérite du jeûne surérogatoire. À l'écoute de ces mérites immenses, chacun d'entre nous se doit de faire des efforts afin de pouvoir les obtenir. Et pour faire vivre la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui jeûnait durant le mois de Sha'ban, ce mois au sujet duquel, comme on a vu, la plupart des gens sont indifférents. Pourtant, c'est le mois durant lequel nos œuvres sont élevées. Il nous convient donc de faire des efforts afin que nos œuvres soient élevées alors que nous sommes en état de jeûne, comme le faisait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de terminer, j'aimerais ici attirer votre attention sur trois points importants. Le premier point, c'est que celui parmi vous à qui il reste des jours de jeûne à rattraper du mois de Ramadan précédent, alors il ne lui est pas permis de retarder ce rattrapage jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan. Mais le mois de Sha'ban est ta dernière occasion pour pouvoir rattraper ces jours. Donc, si tu n'as pas d'excuses te permettant de ne pas jeûner, il t'incombe, durant ce mois, de rattraper tes jours manqués du mois de Ramadan précédent. Et il n'y a pas de doute que ceci est prioritaire au jeûne surérogatoire. Une fois que tu auras rattrapé ces jours, tu pourras ensuite, si Allah subhanahu wa ta'ala te le permet, faire quelques jours de jeûne surérogatoire durant ce mois, bi'idhnillahi ta'ala. Le deuxième point, il concerne un hadith authentique, rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'arrive la moitié du mois de Sha'ban, alors ne jeûnez pas. Certaines personnes comprennent de ce hadith qu'il est interdit de jeûner durant la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban. Or, ce qui est visé par ce hadith, c'est l'interdiction de jeûner pour celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, ou alors pour celui qui n'a pas jeûné durant la première quinzaine du mois de Sha'ban. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été interrogé à ce sujet, on lui a dit: est-ce que le jeûne après le 15e jour du mois de Sha'ban est interdit ou détestable? Il répondit, rahimahullah ta'ala: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas. Et ce hadith est un hadith authentique. Par conséquent, celui qui n'a pas jeûné durant le début du mois, il n'a pas jeûné après la moitié du mois, en raison de ce hadith authentique. Et de la même manière, il ne doit pas jeûner à la fin du mois, étant donné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un jour ou deux jours de jeûne, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Donc, celui qui a l'habitude de jeûner, alors il n'y a pas de mal. Si c'est son habitude, par exemple, de jeûner les lundis et le jeudi, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne. Ou alors, s'il avait l'habitude de jeûner un jour sur deux, il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne, c'est-à-dire durant la deuxième quinzaine de Sha'ban. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: quant au fait de commencer à jeûner après la moitié du mois, en raison de Sha'ban, c'est-à-dire que tu vises le mérite du mois de Sha'ban, alors ceci n'est pas permis. Mais s'il commence à jeûner le 14e jour, ou le 15e jour, ou le 13e jour, ou autre, alors il n'y a pas de mal, car il aura ainsi jeûné la majorité du mois. Quant au fait de ne pas jeûner durant la première quinzaine, puis de commencer à jeûner durant la deuxième quinzaine, c'est cela qui est interdit par ce hadith. Telle est la réponse du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, concernant cette question. Et d'autres parmi les gens de science ont mentionné que le jeûne durant la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban est détestable pour celui qui n'a pas jeûné auparavant, mais n'est pas interdite, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Enfin, le troisième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, il concerne certains hadiths mentionnés concernant le mérite de la 15e nuit du mois de Sha'ban, et qui ont conduit les gens à commémorer cette nuit et en la veillant dans l'adoration ou la prière de nuit. Et tout ceci est rejeté car cela n'est basé sur aucune preuve de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été interrogé à ce sujet et il a dit: la 15e nuit du mois de Sha'ban, il n'y a aucun hadith authentique à ce sujet. Tous les hadiths rapportés à ce sujet sont inventés ou faibles. C'est pour cela que cette nuit n'a pas de particularité concernant la lecture, la prière, que cela soit seul ou en groupe. Et ce que certains parmi les gens de science ont dit concernant le fait qu'elle aurait une particularité, alors cela est faible. Certains hadiths sont rapportés à ce sujet, mais ils ne sont pas authentiques. La 15e nuit du mois de Sha'ban ne doit donc pas être particularisée par quoi que ce soit, et c'est cela qui est le plus juste. Fin de la réponse du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et concernant le hadith bien connu, qui est rapporté concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit, il pardonne à l'ensemble de ses créatures, sauf au polythéiste et à celui qui est en conflit avec son frère, c'est-à-dire le croyant qui est en conflit avec l'un de ses frères, il se voit privé du pardon durant cette nuit. Certains hadiths à ce sujet ont été jugés bons par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Même en se basant sur l'authenticité de ce hadith, ceci ne nous permet pas de dire que cette nuit doit être particularisée par une quelconque adoration. Mais cela doit simplement nous pousser, premièrement, à nous écarter du polythéisme et avouer nos œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, au risque de voir nos œuvres rejetées, et également à faire des efforts pour se réconcilier avec toute personne parmi les croyants avec qui nous sommes en conflit ou avec qui nous avons eu une discorde, afin de ne pas être privés de ce pardon. Et ceci est également un sujet important qui sera peut-être le sujet d'une prochaine conférence ou d'un prochain rappel, bi'idhnillahi ta'ala. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce mérite ne prouve en aucun cas qu'il est légiféré de particulariser cette nuit par une quelconque adoration. Ceci était donc quelques points importants que je souhaitais me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs concernant ce mois immense. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les œuvres de bien et de nous accorder la sincérité et la conformité dans les paroles et les actes. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.